bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans l'émission Portrait civique sur Radio Gemuso, l'émission qui dresse un portrait de jeunes en service civique, donc chaque semaine. Alors aujourd'hui, on est avec Thierry et Axel de l'association Sport et Loisirs Vincé, bonjour. Bonjour. Bonjour Camille. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est l'association Sport et Loisirs de Vincé ? Donc Thierry, je suis le président de l'association et on a 13 sections qui font partie de sport et loisirs. On a du culturel aussi bien que du sportif. Alors sportif, ça va de la boxe au tir, judo. Mais culturel, on a du théâtre, de la broderie, plein de petits travaux manuels. Voilà. Peinture aussi. Peinture, oui. Enfin, c'est vraiment varié. Et on a 600 adhérents dans notre club. Donc pour juste la commune de Vincé ou c'est oui, mais c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est pas uniquement réservé aux Vincéens. Très bien. Alors Axel, du coup tu es en service civique. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs ? Alors je m'appelle Axel Cavellius, je suis habitant à Vincé, j'ai 21 ans, je suis en service civique depuis le mois de novembre et c'est un contrat de 10 mois, donc du coup je finirai en août. Alors, tu fais des études dans le sport ou non, pas du tout ? Pas du tout. D'ailleurs, je ne suis pas un grand sportif du tout. Et bah, du coup, ça m'apprend un peu. Je vois les sports. D'ailleurs, je suis un peu intéressé par la boxe en ce moment. Du coup, ça m'a permis un peu de me mettre dedans. Donc, voilà. Oui. Alors, il faut que tu t'intéresses à tous les sports de sport et loisirs Vincé ou vraiment il y avait des sports qui ne te parlaient pas du tout avant que tu arrives dans l'association ? Eh bah, figurez-vous, j'étais habitant à Vincé et j'étais pas du tout au courant qu'il y avait autant de sports, donc ça m'a permis un peu de les connaître. Et c'est pratique parce que le but de ma mission dans le service civique, c'est la communication des sports. Du coup, je fais partager tous les sports qui existent. Et théâtre, peinture, je savais même pas que ça existait à Vincé. Alors, comment ça se fait que tu connaissais pas ? Tu saurais dire pourquoi tu t'étais pas au courant je de cette association ? Je pense que c'est parce que je sortais pas. D'accord. C'est un addict. Parce que vous êtes quand même très présent dans la commune, dans la vie de Vincé, de tous les jours. Dans la vie associative, oui, les manifestations, c'est ça, on encadre pas mal. Et Axel, il travaille, dans le cadre de son contrat, il est avec une section qui fait de l'aide sociale et tout ça. Là. Donc c'est un groupe, un sous-groupe qui s'appelle le groupe CISO. Et c'est de l'aide à la personne, enfin... C'est beaucoup de social, voilà. Et moi, je lui ai demandé de recenser tous les sports, qui posent les questions aussi, comment on était perçu, pour essayer de nous vendre, entre parenthèses, quoi. Et normalement, à la fin de son contrat, on devrait pouvoir sortir une plaquette bien détaillée, puisque lui, il ne connaissait pas, donc il sait d'où il vient et où il va. Et justement, tu arrives un peu à avoir le recul de comment communiquer, puisque moi-même, je n'étais pas au courant. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut apporter, en fait ? Parce que quelqu'un qui connaît tout, il ne va pas savoir forcément comment communiquer. Alors, quelqu'un qui ne connaissait rien, il va savoir, il faut aller à tel endroit pour dire ça, telle affiche, telle... Et là, j'ai eu une idée, dernièrement, c'est de créer une vidéo un peu sur les réseaux sociaux, une vidéo assez animée. Pour tous les sports, et mettre en avant un peu les vidéos qu'on fait maintenant. Comme Snap, les vidéos de 10 secondes, mais qui marquent, quoi. Les générations qui font partie de Sport et Loisirs Vincé, c'est une nouvelle génération ou justement vous essayez de faire un peu participer les jeunes à ce genre d'associatif ? Oui, entièrement, là... Il y a tout âge hein, dans nos sections, hein. C'est pas limité, hein. Ni en âge inférieur, ni en âge supérieur. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci pour ça. Mais bon, c'est bien parce que avec des gens comme Axel, c'est les nouvelles technologies qui arrivent. Moi, si vous me demandez d'aller sur Snap ou Snap, je ne sais même pas comment ça se prononce. Alors, vous voyez. Non, mais c'est bien, c'est bien. Les nouveaux moyens de communication, les jeunes, ils connaissent ça par cœur et ça nous aide bien. Est-ce qu'il n'y avait aucune personne qui s'occupait de la communication avant Axel ? Si, mais on est tous... en activité, au bureau, hein, je parle, on est tous en activité, donc on n'a pas toujours le temps. Et puis on ne sait pas communiquer, c'est pas notre métier premier. Alors on fait tout ce qu'on peut, on va faire des affiches, on va faire des panneaux, mais c'est peut-être pas ça aujourd'hui. Enfin, c'est plus ça ou c'est pas que ça. Voilà. Et donc des gens comme Axel nous aident bien dans ce domaine-là. Alors Axel, tu fais beaucoup de communication. Est-ce que tu fais d'autres choses en particulier ? Ah oui, j'ai d'autres missions. Bon, ça, c'est la mission un peu principale. Mais j'ai d'autres missions, comme par exemple des personnes qui veulent payer leur permis, qui n'ont pas les revenus suffisants. Je peux les aider à construire un projet, par exemple un repas, un projet à but lucratif. Okay. Puis je les aide dans le repas, etc. Comme ça, ils peuvent avoir des subventions pour leur permis. Monter un peu des projets... culturel, en restant un peu autour du culturel et sportif peut-être. Oui, un repas, aussi. Et j'ai un autre exemple. On a récupéré des vélos avec l'association Biclou à Épinal. Mm-hmm. Alors on récupère des vélos qui ont été donnés pour l'association. Et du coup, on donne les vélos à ceux qui ont besoin pour aller travailler, pour même reprendre une activité sportive. On doit avoir une dizaine de vélos dans un local, et puis moi je m'occupe de faire les conventions, de leur donner. Et ainsi ils peuvent chercher du boulot avec. C'est assez plat à Vincé pour pédaler et aller au travail Bah, oui. Par exemple, il y en a même des papiers qui habitent à Vincé pour aller sur Charmes qui a 6-7 km. C'est pratique. Et puis on a la voie verte en plus, le long du canal de l'Est, donc c'est nickel quoi. On va pas dans la grande circulation. Vous travaillez beaucoup avec d'autres associations autour de Vincé ? Ou vous restez un petit peu dans le trentaine de kilomètres autour ou... Bah, on est ouvert, mais disons que ça ne se présente pas. Voilà. Autrement, non, on est ouvert. Mais par exemple, Axel, je ne sais pas s'il est timide ou quoi, mais il n'a pas parlé du gros projet qu'ils ont réalisé. La bourse à l'emploi. On a fait une bourse à l'emploi sur Vincé qui a drainé beaucoup de monde et ça, c'était super. C'était au tout début de ma mission. D'accord, bah dis-nous un peu plus. Alors, c'était à Vincé, une bourse à l'emploi. C'est-à-dire, on a réquisitionné l'armée, les missions locales, le pôle emploi, beaucoup d'entreprises, Jardin de Cocagne, etc. Je ne pourrais pas tous les citer. On s'est mis à la salle polyvalente à Vincé. Et c'était ouvert à tous. C'était l'après-midi, me semble, oui, 14h jusqu'à 17h. Et ainsi, les gens pouvaient faire le tour, se renseigner, s'informer. Il y en a même qui sont repartis avec un emploi. Et pour une première, on a eu 160 entrées. Ah oui ? Oui, ouais, c'était super. Ouais. Et on a eu la chance d'être parrainé par la papeterie de Golbey, lorsque ils ont vraiment joué le jeu. La directrice du personnel est venue sur place, tout ça. Vraiment très bien. Et j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps une dame de la CAE à Épinal, quoi, qui avait été impressionnée. Et puis elle me demandait déjà si on le renouvelait cette année. Donc on est victime de notre succès sur ce coup-là. On a eu beaucoup de retours positifs. Ouais. Oui. Ça, c'était jamais fait avant ? Non. Et ça s'est fait donc en début d'année, c'est ça ? Enfin, fin d'année. Au mois de novembre. Novembre, début novembre, on a fait ça, oui. Et donc peut-être en novembre prochain, on peut espérer... Peut-être, oui. Même moi, j'aimerais bien qu'on le renouvelle, mais bon, qu'on s'améliore, comme on disait dans la voiture en venant. On a appris nos erreurs, parce que bien sûr, quand c'est une première, on a fait 2-3 petites erreurs qui sont normales. Mais là, je pense que la prochaine, on peut viser même plus gros, oui. Est-ce que c'est déjà quand même un bon projet quand même de faire quelque chose qui est au-delà un petit peu du culturel, de faire quelque chose pour l'emploi C'est ça. On a déjà quand même des structures comme Pôle emploi, etc. C'est un peu aller au-delà. Et tout le monde a joué le jeu. Ah oui. Que ce soit ceux qui organisent. Je pense au groupe CISO qu'on vous a parlé tout à l'heure. Sport et loisirs, nous, moi. Même les personnes, ils se sont déplacés quand même. Il y en a qui venaient de loin. Hein. Oui. Ouais, ouais. Les militaires, il y a des militaires qui venaient de Metz, là. Je ne sais plus quelle structure militaire, parce que j'y connais... Ah, pour présenter leur boulot, ce qu'il y avait en emploi. Ils ont joué le jeu aussi. Les recrutements, tout ça. Ouais, ouais. Tout le monde a joué le jeu, c'était vraiment bien. Ouais, ouais. Et ça, ça s'organise combien de temps à l'avance, ce genre de choses? Ça a pris un peu de temps. Hein. Ouais. Axel n'était encore pas là quand on en parlait déjà avec son tuteur, quoi. C'était bien au moins 3-4 mois. Oh, plus que ça, oui. La saison dernière, je dirais. On en parlait, quoi. C'était l'ébauche. C'est un peu votre plus gros projet, on peut dire, dans l'association? Ou il y en a d'autres de cette même envergure? Non, dans l'association, ce n'est pas le plus gros projet. Mais dans la section d'Axel, oui. Oui, d'accord. Parce que c'est quand même quelque chose, ça. Et puis, on a des retombées indirectes. Hein, mais on est content. On entend parler de nous. C'est bien, quoi. Alors, ça fait pas un peu bizarre de commencer par un gros projet et d'avoir des plus petits projets après Bah justement, j'avais la pression. Parce qu'en plus, le jour du projet là, j'ai dû faire le discours. Wow. Ouais, le discours inaugural. Cadeau, oui. Le discours inaugural, c'était lui qui devait le faire. Et au final, justement, c'est positif. Parce qu'il faut commencer un peu gros pour pouvoir me booster. Si j'aurais commencé trop doucement, justement, ça aurait pas été bien. Là, t'as tout de suite été dans le bain. Oui, dans le bain chaud. C'était comme ça, chronologiquement, c'est tout. Voilà, ça s'est présenté de la sorte. Ça a fait que m'aider, au final. Est-ce que du coup, là, tu fais quel genre de plus petits événements? Alors là, on est beaucoup local. Sur des organisations de repas. On veut organiser aussi là une soirée Côte de la Route. Alors, une sorte de loto, mais en mode Côte de la Route. C'est-à-dire, les gens viendront faire des séries et des lots à gagner en fonction de ce qu'ils réussissent à faire sur la série. Et c'est des points. Par rapport au code de la route, tu veux dire, c'est les lots à gagner qui sont en rapport avec le code de la route? Oui, par exemple, on est en train de voir, c'est pas encore fait, mais par exemple, avoir un contrôle technique, avoir des gros lots comme ça, oui. À participer peut-être avec... Parce qu'on est beaucoup sur la mobilité en ce moment aussi. On a eu des aides du département sur la mobilité. D'accord. Voilà. Et c'est-à-dire que le jour où on a fait le forum à l'emploi, il y a une dame qui a gagné le code de la route, quoi. Elle passe le code gratuitement. On lui gratuitement. Paye le code de la route. Ah, c'est pas mal, ça. On a fait un petit tirage au sort et puis c'est tombé sur une dame de Vincennes. C'était très bien. Et qui fait partie de la même structure que Axel et on n'avait pas triché. Il y a, je ne sais pas si ça existe toujours. Il me semblait qu'il y avait les cartes ZAP aussi qui aidaient pas mal un petit peu pour le permis et le code. Je ne sais pas si vous travaillez un petit peu avec des partenariats comme ça pour les plus jeunes ou c'est vraiment tout âge Non, c'est tout âge, hein. Ah oui. Bon, on essaye d'aider un peu tout le monde, quoi. Ce soir, je rencontre encore quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui a le permis, qui n'a pas de voiture. C'est un autre sujet, quoi, voilà. Ouais, c'est dur de trouver, j'imagine, un emploi dans la ruralité. C'est toujours dur sur son CV de ne pas avoir le permis ni de voiture, quoi. C'est ça. Mais il y a des aides quand même, hein. Il existe beaucoup de choses pour... Justement, toi, ça, tu les connaissais, toutes ces aides, toutes ces choses pas avant en fait, de venir pas dans du l'association tout, Pas du tout, mais ça m'a... De venir dans l'association, ça m'a appris tellement de choses au niveau de tout. Des choses qui existaient, qu'on ne sait pas forcément pour nous aider, nous, les jeunes. Et du coup, comment tu as fait? Tu es allé toi-même à la chose aux infos, tu es allé voir des gens ou vraiment, il y avait un milieu associatif? Ça se passe où? Enfin, tu étais vraiment avec... C'est un réseau qu'on se fait. Ouais. Peu à peu. Bah, Thierry m'avait déjà prévenu avant que je commence, tu vas voir Axel, tu vas te faire un réseau. Puis là, j'avoue qu'il avait raison. Parce que Axel, c'est l'exemple même du jeune déconnecté. D'accord. Il reste à la maison, il sort plus, console, télé, tout ça. Je sais pas ce qu'il y a autour de moi. Bon, je me suis dit, il est pas si bête que ça. Il est intéressant, ce petit jeune. Et puis voilà. Et puis il a mordu, il a croqué la pomme. Et puis voilà. Je pense qu'on va en sortir quelque chose de bien. Et déjà, il a goût à la vie, et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important, quoi. Il sait qu'il existe des choses aussi, parce qu'il ignorait. Il n'allait pas non plus à la pêche aux infos. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que des fois, on ne sait pas que les infos existent. En fait, on n'y va même pas parce qu'on ne sait pas qu'elles sont là. On est plusieurs dans le cas-là, au final. Beaucoup. Beaucoup trop, d'ailleurs. Alors, comment es-tu justement arrivé en service civique si tu ne sortais pas trop de chez toi? J'ai un parcours assez compliqué, assez très très long, parce que j'ai arrêté l'école de bonne heure. D'accord, avant le lycée, 16 ans En première. D'accord. En première, ouais, 16 ans. Alors, du coup, j'ai resté 3 ans sans rien faire. D'accord. À Vincy ? Non, j'habitais à Bayon, à côté. Alors c'était sorti, oui, rester chez moi, c'était du grand n'importe quoi. Et on est arrivé à Vincy et j'ai connu les chantiers rivières avec Jeunesse et Culture à Charmes. Alors c'était comme de l'intérim pendant 2 semaines. C'est là que je me suis fait connaître et après, Jérémy Ansart m'a repéré entre guillemets, ou je sais pas comment ça s'est trop passé. Du coup, il m'a appelé, on s'est donné rendez-vous, il m'a expliqué le projet de service civique, parce que je suis le premier à Vincey, premier service civique. J'ai dit oui tout de suite, parce que, donc, quand on m'a parlé de communication, les choses, ça me semblait super intéressant, puis j'ai eu raison, parce qu'au final, c'est intéressant. J'ai dit oui tout de suite, et puis me voilà là. Comment tu t'es ouvert à ce chantier dont tu nous parles, la rivière, tu peux nous redire, c'est quoi exactement? Alors, c'est un chantier avec Jeunesse et Culture, d'ailleurs c'était pas loin d'ici, je crois que c'était à Arche. Et c'était pour remettre les rivières, je sais pas comment trop expliquer, les remettre... C'est du nettoyage. Du nettoyage, oui, en quelque sorte, les remettre bien. C'est un peu des chantiers solidaires. Voilà, c'est ça. Qui engagent des jeunes pour faire des choses un petit peu... Alors ils viennent nous chercher devant chez nous où on habite, et puis on part à Arche, tous ensemble, on mange le midi, c'était super, oui. Mais justement, ce premier chantier, ce qui était un petit peu ton premier pas pour sortir de chez toi, c'est un peu comment tu l'as eu? C'est eux qui sont venus vous démarcher, ou c'est tes parents, ou toi, ou... C'est ma mère qui m'avait un peu indiqué, parce qu'elle avait entendu, alors du coup, c'est moi qui étais faire les démarches. Et ils m'ont pris tout de suite, j'ai montré que j'étais bien motivé, j'avais envie de me sortir de la routine. Et ça aide d'ailleurs de sortir de la routine, parce qu'au final, se lever à 11h tous les jours, vivre la nuit, voilà. Donc toi, en fait, tu étais vraiment en fait, motivé en fait, à avoir quelque chose. En fait. Il fallait juste que la bonne chose passe c'est sous ça. Ta main. Il fallait la petite étincelle, le petit déclic, ou la bonne occasion qui se présente à ma porte. Et puis je l'ai eu, donc j'ai mordu tout de suite. Oui. Et alors du coup, à Sport et Loisirs Vincey, vous avez vraiment créé la mission de service civique pour Axel? Vous aviez déjà un petit peu l'idée derrière de faire ce service? Non, moi je voulais déjà faire des contrats civiques, ça c'est clair. Et si j'avais plus de temps ou plus de personnes qui puissent être tuteurs, j'en aurais d'autres, ça c'est clair. Puisqu'on en a refusé une jeune fille il n'y a pas longtemps et ça me rend malade même, parce que j'avais déjà des projets avec elle. Et puis elle était un peu dans le cas d'Axel, un peu décrochée et... J'avais réussi à dialoguer avec cette jeune fille. Même les parents étaient surpris que je puisse parler comme ça, quoi. Et puis ça s'est pas fait, le contrat civique, pour d'autres raisons. D'accord. Mais j'abandonne pas. Je la reverrai, cette jeune fille. C'est plus un manque de tuteur, ou c'est assez peut-être compliqué de demander des contrats civiques. Est-ce que vous êtes agréé ou vous devez passer non, par non, la Ligue? Non, on est obligé ou... de passer par... Jeunesse et culture, là. D'accord. Ou alors par la Ligue de l'enseignement. Donc, Axel, c'est par jeunesse et culture. Et la jeune fille, ça aurait été par la Ligue de l'enseignement. Alors, après Axel, il y aura peut-être une nouvelle mission de service civique? Pour Axel ou pour... Non, je veux dire, une fois qu'il aura fini ses 10 mois, vous aurez peut-être le droit de reprendre un... Ah oui, on aura le droit, oui. Après, il faut trouver un thème, une personne... qui s'intéresse à ça. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que Axel, il termine pas son contrat et puis qu'il parte comme ça, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait un certain suivi aussi, qu'il découvre quelque chose, qu'il puisse faire une formation. Bon, on en a déjà parlé, je pense qu'on est en bonne voie. Il n'y a rien de concret aujourd'hui, mais le but, c'est ça aussi. Hein. On ne va pas le prendre, entre parenthèses, prendre 10 mois et puis le laisser partir comme ça. Ce n'est pas le but, quoi. Moi, j'aimerais bien... En plus, j'ai rencontré sa maman, sa grand-mère, toute la famille. Donc, on va pas le laisser comme ça, quoi. Voilà. Vous êtes vraiment pour que le service civique, ça soit vraiment un accompagnement. Ah oui, et oui, il faut que ça débouche sur quelque chose. Qu'il y ait vraiment quelque chose derrière, un espèce de projet en parallèle tout qu'on construit. Oui, tout à fait. À côté. Ah oui, c'est pas. Et vous, en tant que personne de l'association, alors je ne sais pas, peut-être avec les autres personnes de l'association ou le tuteur, vous arrivez à trouver du temps ou c'est facile de trouver des conseils? Le tuteur d'Axel, c'est sa raison professionnelle, donc ça va, quoi. Il travaille à la Fédération médico-sociale, donc ça aide bien, quoi. Mais il faudrait d'autres... Moi, je pensais à des retraités qui voudraient s'impliquer un petit peu, ça serait pas mal. avec des gens un peu d'expérience. Et il y en a, il y en a. Il s'agit juste de passer le message. Je suis sûr qu'on se retrouverait autour de la table, on pourrait parler de choses intéressantes, quoi. Alors Axel, est-ce que tu avais pensé peut-être à te tourner un peu vers la mission locale ? Je crois qu'ils aident un petit peu des fois les jeunes. Je suis déjà inscrit. J'ai été les voir il y a pas longtemps pour justement avoir un suivi après-midi moi. Ouais. Et on en pour parler. Oui. D'accord. Ça se passe bien. Pour l'instant, tu t'as peut-être commencé un petit peu à réfléchir. Tu t'es peut-être pas. Oui, trop, parce que ça passe vite. Ouais, c'est ça. Je suis déjà à ce mois-ci, ça va être la moitié. D'accord. Donc je finis déjà en août, alors. Ah ouais. Faut déjà penser à la suite. Mais j'y pense. Et tu te vois plutôt faire quoi après ? Plutôt reprendre le travail J'aimerais bien continuer dans le social, là, comme ouais. Je suis là. Oui. En travaillant directement ou peut-être trouver d'autres projets comme ça ou une formation peut-être, tu sais pas. Alors, trop. Alors, je pense une formation, ça serait l'idéal, ou travailler directement, mais après, il faut voir. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut quand même une formation, on est obligé, parce que, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, on a déjà un petit peu bien entamé l'émission. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale dans Portrait Civique et on se retrouve tout de suite après. Jacqueline was 17, working on a desk when I, for a peer above a spectacle, forgot that he had wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know, that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from. We'll be right back. On est toujours dans l'émission Portrait civique. Et donc aujourd'hui, on est avec Sport et Loisirs Vincé, avec Axel en service civique et Thierry, donc, qui fait partie de l'association. Alors moi, j'aimerais beaucoup revenir un petit peu vers l'association. Comment elle est née? Depuis combien de temps elle existe à Vincé? L'association existe depuis 1966. Au début, c'était la création d'une équipe de football, on va dire. Et au fur et à mesure des années, donc il y a eu des sections qui se sont greffées là-dessus. C'est comme si c'était l'office des sports, on va dire, au départ. L'office municipal des sports, voilà, ça s'est fait comme ça. Et voilà, ça continue. On a fêté nos 50 ans il n'y a pas bien longtemps, et puis voilà, et on vit. Et alors du coup, il y a vraiment beaucoup de sports différents. Je ne sais pas, on en avait peut-être un peu... Bah, les sports, bon... Vincé, par exemple, on est connu pour la boxe, comme Axel parlait, mais c'est la boxe thaï. Donc, on a quelques champions. Ah oui? Oui. On fait aussi du tir. On a une école de tir à 10 mètres, avec beaucoup de jeunes qui ont été champions de France. Oui, ça paraît pas. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'écoles de tir, c'est aussi peut-être pour ça. Autrement, on a les sports, je vais dire, un peu classique, quoi. On a du tennis de table, du judo. Le foot, on est associé avec Nomexi maintenant. Ça s'appelle l'AS Nomexi Vincé. On a été obligé, au point de vue matériel. Et puis, à Vincé, il n'y avait plus trop de vie dans le club de foot. Voilà. Donc, on s'est associé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a, bon, comme un peu partout, la pétanque. Et on a aussi un club de boules lyonnaises. Et ça, il y en a 5 ou 6 dans les Vosges. Et notre club est allé au championnat de France l'année dernière, je ne sais plus, dans la région de Grenoble. Et c'est la première fois qu'une équipe lorraine allait aussi loin dans la compétition. Donc on n'est pas trop mal, quoi. Et puis tout ce qui est section culturelle, bon, après on a... Le théâtre qui a repris, ça c'est une belle activité, quoi. On avait voulu lancer aussi le théâtre avec les jeunes, mais ça marche moins bien. Enfin, une section, on va dire, scolaire, quoi. C'est plus difficile. Et puis, comme je vous disais auparavant, on a des travaux manuels ou de la peinture, et toutes sortes de peintures aussi, hein. Je ne suis pas très spécialiste là-dedans, mais voilà. Et vous faites vraiment travailler, comment dire, marcher l'association avec que des amateurs ou il y a aussi des professionnels qui viennent Il y a des professionnels qui encadrent. Il y a 5 salariés, on va dire. Enfin, c'est des professionnels, voilà. Qui sont vraiment spécialistes dans certains sports. Ah oui, sports, oui, spécialistes et diplômés, oui. Et c'est pas dur de les faire venir un peu dans des petites villes comme Vincé? Pas du tout, pas du tout. Non, non. Ils viennent pas d'ailleurs, ils viennent vraiment du coin? Ouais, ils sont du coin, oui. Bon, certains font la même activité dans d'autres villages, hein, ou dans d'autres villes, voilà. Parce que c'est des professionnels reconnus et diplômés, c'est tout. Et puis on est obligé de prendre des personnes reconnues. Et alors vous êtes donc vous avez différents sports. En fait, c'est pas du tout des petits clubs indépendants qui seraient regroupés par l'association Sport et Loisirs Vincé. C'est vraiment vous qui gérez tous ces sports différents et tous ces choses culturelles aussi. Mais il y a que par exemple l'équipe de foot, le club de foot est indépendant. Mais bon, matériellement, on peut les aider, voilà, parce qu'on a un petit peu de matériel pour les manifestations et tout ça, parce que une fois par an, on organise un vide-grenier. C'est le plus gros vide-grenier du coin, quoi. Et Axel, du coup, toi, tu en as profité un petit peu pour passer de l'autre côté, des fois, un petit peu des sports ou des activités culturelles. Est-ce que tu en profites? Pour l'instant, non. J'avouerai que non, pas du tout. Tu restes Mais côté, comme j'ai dit, pour l'instant, le travail que j'ai me prend pas mal de temps. Mais je pense pour la suite, oui, je vais m'y intéresser. Tu fais combien d'heures semaine dans ton contrat? Alors, je fais 24, mais des fois, je peux en faire plus. Des fois, c'est un peu varié. Quand on aime, on ne compte pas. Oui, c'est vrai. Je me lève le matin, je suis hyper content. Jamais j'ai du mal à me lever. Je me dis, oh, j'ai pas trop envie, machin. Mais je me lève avec le grand sourire, oui. Toujours des nouvelles idées et de nouvelles envies Ce qui est bien, c'est qu'on fait jamais la même chose. C'est peut-être pour ça que j'apprécie ce que je fais. parce que je fais jamais la même chose. Et c'est des idées qui viennent de toi, ou des fois il y a beaucoup de gens qui vous donnent des idées, ou tu vas aller chercher un peu à droite à gauche Comment non, tu fais pour trouver Il y a des deux, il y a des deux, oui, il y a des deux. Souvent ça peut venir de celui avec qui je suis, aussi des personnes qui peuvent venir nous donner des idées, parce qu'on est ouvert à tous, puis je peux mettre mon petit grain de sel de temps en temps, oui. On peut venir avec une idée et dire, bah voilà, moi j'habite Vinci, j'ai une super idée en tête. Pas de souci, on est là pour ça, oui. On peut en parler déjà. Ouais. Après, oui, on garantit rien, on ne promet pas la lune, mais on peut toujours en parler. Ok. Et il y a beaucoup de liberté dans ton service civique. Est-ce que tu peux vraiment tout faire, ou il y a quand même un petit cadre un peu Il y a, comme tout, il y a un cadre. Ça, c'est obligatoire, heureusement d'ailleurs. Mais je suis pas mal autonome et on me laisse... pas mal d'autonomie, et c'est ça qui me plaît aussi. J'ai des responsabilités. Et ça, c'est quelque chose dont tu avais l'habitude, d'être autonome et de vraiment faire ton petit bonhomme de chemin? Non, ou... non. Et c'est ce que je voulais, au final. Parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaît, d'être responsable. Ouais. Ça te fait vraiment quelque chose d'avoir un petit peu... c'est valorisant. Chose, c'est quoi, valorisant. Ouais. Disons qu'on lui a donné les outils nécessaires dès le départ, et puis maintenant, à toi de jouer. C'était un peu ça. Et vous aviez justement un petit peu réfléchi dans l'association comment lui mettre en main les outils avant de l'embaucher. On avait préparé la chose. Après, ça s'est vraiment bien déroulé pour nous. C'est le top. C'est l'exemple idéal, quoi. On pensait pas que ça se déroulerait comme ça, mais c'est bien, c'est super. Moi, ce que j'espère là, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure là. J'espère qu'Axel, il restera un peu dans la structure, hein, quand on aura des organisations et tout ça, qui sera encore là. C'est prévu. Parce qu'on a une grosse organisation au mois d'août sur Vincé. On a un accueil de la semaine fédérale de cyclotourisme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui va se passer sur les Vosges. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Donc Vincé sera un point d'accueil. Donc on peut attendre juste... de 8 à 10 000 cyclotouristes dans la journée. Ah oui, c'est pas des gens qui vont se balader dans les c'est Vosges ça, c'est et ça. On essaye de trouver des habitants pour chez qui les faire accueillir et faire un petit peu des événements. Oui, mais il y a des circuits. Ouais. Et par exemple, le 6 août, le lundi 6 août, il y a 4 ou 5 circuits, mais tous les circuits vont passer par Vincé. D'accord. Donc on va voir du monde. Donc on va accueillir les gens, c'est-à-dire qu'on sera capable de leur servir le café le matin avec le croissant ou le petit pâté, mais le midi on pourra les restaurer et tout ça, et donc on travaille actuellement là-dessus pour faire aussi un petit peu d'animation, faire connaître Vincé, voilà. On va avoir besoin de bénévoles. Ah oui, ils sont les bienvenus. Alors justement, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut venir ouais, en tant que bénévole. Ouais. Ouais, mais j'ai déjà fait la recherche, tout ça, ouais. On peut être juste bénévole ponctuellement, juste pour c'est un ça. Événement. Oui. Ben, y a beaucoup de gens qui m'ont répondu dans ce sens-là. Et du coup, Axel, ça y est, tu es bénévole. Je serai bénévole le jour-là, oui. Tu te sens peut-être plus bénévole dans l'association que contrat service civique, ou comment tu le sens, ça? Tu te sens vraiment tellement bien intégré dans l'association que comme tu dis, tu vois, ça ne te gêne pas de rester un peu plus longtemps quand il y a... Bah, limite, oui, je ne fais plus la différence, quoi, parce qu'au final, par exemple, j'ai des heures prévisionnelles, mais... Si elle s'arrête à 17h, si je quitte à 17h30, je m'en rends même pas compte, quoi. Je m'en fous, oui. T'es vraiment passionné parce que c'est passionnant. C'est exactement le mot, oui. C'est passionnant. Très bien. Et moi, j'aimerais recruter des gens comme Axel, même dans le bureau de notre assos, quoi. Parce qu'on a besoin de sang neuf, de jeunesse, comme ça. Même s'il faut les encadrer, je veux dire, on a besoin de ça. Ben, comme je disais tout au début, avec leur nouvelle technologie là, qu'on ne maîtrise pas tous. Voilà. Et vous n'avez pas un petit peu peur, parce que du coup, avec Axel, ça a bien marché, mais peut-être avec une autre personne, ça n'aurait peut-être pas aussi bien démarré. Peut-être. Peut-être, mais tant pis, l'important était de donner une chance. Mais oui, tout le monde a le droit à sa chance. Hein. Ah oui, là, on est ouvert à ça, il n'y a pas de souci. Alors du coup, je me demandais un petit peu, avec tes 24 heures, tu fais un peu d'autres projets en parallèle? Est-ce que tu fais, tu profites un petit peu de la vie avancée? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce non, que tu fais un petit peu à côté? Je suis plutôt tranquille. Bah, la semaine, je suis à l'association, et puis le week-end, je suis tranquille. Parce que du coup, tu habites vraiment dans le village? C'est vraiment à côté de chez toi C'est... On va dire, moi j'habite au village, et mon local où je suis, c'est... on va dire en bas du village, quoi. À 500 mètres, à 1 km. Et avec le service civique, tu es amené à bouger un peu ou... Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Je peux aller très bien sur, dans les villages autour, racoler des personnes. Et... Tu fais comment, du coup? Tu utilises ta voiture, du covoiturage, vélo? Soit j'utilise ma voiture ou c'est celui avec qui je suis qui m'emmène. Et c'est, pour toi, c'est quelque chose de bien, justement, d'être amené de voir plusieurs personnes. Ouais. Et si tu avais dû faire ton service civique un petit peu plus loin que Vincé, est-ce que tu aurais dit oui ou tu aurais vraiment vu les choses différemment? Que ce soit en Lorraine ou un autre département ou à l'autre bout de la Moselle Mon but, c'était pas non plus d'être ailleurs, mais j'aurais dit oui, parce que j'avais besoin de travailler. Ouais. J'avais besoin. Et tu penses que tu vas rester un petit peu dans les environs de Vincé Pour l'instant, oui. Oui. Ouais. Pour l'instant, oui. Et puis ça bouge bien, du coup, avec ce paradis. Il y a de la demande. Il y a beaucoup de demandes. Les personnes ont besoin de nous, oui. Il y a pas mal de gens, peut-être, qui s'installent un peu dans Vincé, entre Épinal et Nancy, qui bougent, en fait. C'est ça. On a un peu de dortoir, quoi, voilà. Et justement, il faut faire un peu bouger le dortoir, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça qu'il faut des activités. Très bien. Eh bien... Enfin, moi, je pense que j'ai un petit peu fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous vouliez un petit peu rajouter des petites choses. Pour moi aussi, c'est très bien. Ouais. C'est très bien, oui. Du coup, les prochains projets, ça va être surtout peut-être en août, d'autres petites choses à venir? Des repas, la soirée Côte de la Route que je vous ai parlé, puis peut-être réorganiser la bourse à l'emploi. Alors, comment on peut vous suivre, savoir les événements que vous faites? Est-ce qu'il y a un Facebook, du coup, vous nous aviez dit? Snapchat? Alors, il y a... tout. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter par mail. Alors, c'est bevincéattaché@gmail.com. Ouais. Et c'est le seul moyen. Après, on va sûrement peut-être mettre une page Facebook par la suite. Ouais, pour suivre un petit peu, être au courant des événements, ouais. Ça peut être sympa. Mm. Ok, ben très bien. Ben en tout cas, on espère à nos auditeurs qui habitent près de Vincé ou qui habitent Vincé même, qu'ils iront donc découvrir sport et loisirs de Vincé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu vous présenter un peu l'association et puis surtout ton service civique, Axel. En tout cas, je suis contente que ça t'a vraiment que ça t'a vraiment lancé dans quelque chose. C'est vraiment super. Voilà, on est content que le service civique, voilà, ça puisse vraiment révéler les gens. Je le conseille aux jeunes. Ouais, ça c'est quelque chose vraiment que tu conseillerais à n'importe qui. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un ami. Ouais. Depuis que j'ai fait mon service civique, tout ça, et depuis il en fait un aussi. Mais c'est pas dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle. T'as lancé un peu la mode chez tes amis. Ça lui a donné l'idée. Et pareil, il a arrêté l'école. Bon, il a un bac quand même, mais il ne trouvait pas de boulot. Et puis je lui ai dit, fais un service civique. Ça permet de te remettre dans le bain, etc. Puis là, il y est. Alors voilà. Ok, on espère que d'autres gens comme ça trouveront des services civiques. Je pense qu'il doit en avoir pas mal de sports et loisirs un petit peu dans différentes communes. Ça doit être quelque chose quand même de facilement retrouvable. En tout cas, on espère que... D'autres associations ont vraiment la même motivation et volonté. Oui, mais il faut pouvoir l'encadrer, le jeune. Il ne faut pas prendre un contrat civique pour un emploi déguisé, je vais dire. Il faut bien l'encadrer et donner des objectifs aussi. Que ça nous apporte quelque chose. Oui, il faut que ça apporte quelque chose. Parce que si c'est pour faire du classement, ce n'est pas la peine. Quoi. Faut pas, de toute manière, on n'a pas le droit non plus dans le contrat civique de faire un emploi déguisé. Quoi. Vous êtes vraiment pour un projet bien construit et puis un suivi du jeune, quoi, surtout. Il faut c'est quelqu'un ça. Derrière, c'est important. Ouais. Voilà. Ok. très bien. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus. Merci à vous de nous accueillir. On vous remercie bien et bonne journée. Merci. Oui, bonne journée. Au revoir. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain portrait civique sur Radio Guimauzo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine.